Hey. Hey. You can go louder. Tu peux aller plus fort. Nous amenant chemin faisant à faire le chemin. Chemin faisant à faire le chemin. À reprendre le chemin, chemin faisant. J'entends partie prenante. Faisant le chemin en marchant dessus. Comment va-t-on s'en sortir? Comment faisant, je le reprends. Comment va-t-on réfléchir à demain? Si je me tiens dans ma patrie, amant, en amont, en avant, en attendant, en marchant, mais qui m'a attendu, le chemin, qui m'attendra, qui m'attendait, qui m'a attendu, le bâton pour me mettre en or, bien battre, qui m'attendait au coin de la rue, qui m'attendait, voir qui m'a attendu. Là où il n'y a plus de chemin. Thank you. espérer. I don't know what really happened at the other road, at the end of the. Peut-être. C'est pas l'arrivée, c'est le chemin qui compte. I don't know. Maybe the trip. Le. Maybe the trip. Le process. Chemin fait en marche. Destination. Sans savoir où. Maybe the trip is worth. Sans forcément. Sometimes you think you're boss of me, but most of the time you're my bitch. See you, Tomcat. It was a pleasure. Give me a, Stay around. Sometimes you're fanged up, boss of me, but most.